Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver ce soir depuis les studios de CKRL, le 89.1 à Québec. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h. Les arts sonores, eh bien ils prennent naissance il y a fort longtemps, mais se développent avec la fulgurance des innovations technologiques au cours du 20e siècle. Et parmi ces innovations, la radio est sans doute l'un des vecteurs majeurs sur le plan sonore. Avec le phono et un peu plus tard la bande magnétique. Journaliste très actif au Québec, grand passionné de radiophonie, Boris Chassagne lançait en 2015 un concours international de sonorité radiophonique, un concours intitulé 60 secondes radio. Pour Boris Chassagne, la proposition est toute simple: offrir aux artistes et aux artisans du médium radiophonique un canal, une plateforme pour diffuser les surgeons des nouvelles écritures radiophoniques, les faire connaître et pourquoi pas les récompenser. Alors pour Chassagne, 60 secondes radio, c'est aussi l'école de l'inventivité, de la musicalité, de la radio, du transculturalisme médiatique aussi. La radio est une œuvre d'art, un monde à écouter, à dire, à observer et à inventer. Je referme les guillemets, c'est Boris qui nous raconte ça. Voilà ce que nous propose donc ce concours sans égal, 60 secondes radio. Concours basé sur le principe d'une participation ouverte et libre, avec pour seule contrainte de s'en tenir aux 60 secondes chrono. Alors ce soir, je vous propose l'écoute d'une sélection d'œuvres sonores tirées au hasard des quelques 220 projets présentés dans le cadre de la 8e édition du concours. Mais d'entrée de jeu, on va prendre le temps d'écouter les œuvres couronnées par le concours 2022. Et on débute ça avec la mention spéciale du jury, accordée celle-là à l'artiste argentine Maria Soledad Rebaudi. Il s'agit dans son cas d'une trame sonore dont le rendu exprime à merveille le climat social et culturel d'un monde qu'on pourrait qualifier d'intemporel. Rythmé par le train en mouvement, l'œuvre évoque des sonorités propres à l'histoire des arts sonores. Ça s'intitule « Lamento Borincano ». On écoute ça. Courte pièce de 60 secondes, une œuvre de Maria Soledad, une Argentine. Alors, se classant en troisième place de la sélection finale, le Canadien Zach Colello s'est vu récompensé pour une production sonore magistralement conçue en strates et en texture. Puissant, immersif et stimulant, selon le jury, il s'agit de fragments aquatiques d'une espèce synthétique en voie de disparition et qui s'usent tout doucement du contact de l'homme. Alors, il raconte « Nos mères s'éteignent ». Alors, on écoute cette œuvre intitulée « Usure courte ». « Voilà, il s'agissait de l'œuvre de Zach Colello, un Canadien qui remporte le troisième prix de ce concours. La Française Solène Christoviak nous propose pour sa part une œuvre évocatrice, une méditation douce-amère sur la naissance des rêves. Écoutez ce poids sur les épaules d'un jeune homme dont tout le monde se moque. Saura-t-il nous sauver tous? C'est la grande question que Solène Christoviak nous pose et nous touche aussi droit au cœur avec ce projet qui, bon, comme je le disais, qui s'est classé au deuxième rang, un projet intitulé « J'ai toujours voulu ». On écoute ça. Et c'est moi qui deviendrai le patron et on m'appellerait le scientifique. Je peux recommencer? Alors voilà, c'était une œuvre de Solène Christoviak qui remporte le deuxième prix. Enfin, Julie Coutureau, artiste sonore, récipiendaire du premier prix, elle nous offrait une ode au rythme et une déconstruction de mots tout à fait captivante, vous allez voir, alliant l'approche performative à l'élan poétique. Julie Coutureau crée un univers sonore plutôt percutant à partir d'une ritournelle construite autour d'une indétermination phonétique. L'œuvre évoque brillamment sur le plan de la création sonore des enjeux sociaux et politiques. Elle hache le mot, souligne Boris Chassagne, le redéfinit et nous le rend avec une musicalité telle qu'il ne pourra au jamais être pris pour une semelle. Alors, on écoute ce projet intitulé « Des sons confus » de Julie Coutureau, qui s'est mérité la palme première de ce concours intitulé « 60 secondes radio ». Avec on, on ne fait pas de lien précis. On crée un lien diffus. On crée un lien diffus. Diffusion. Diffusons. Diffus. On. Des. On. Diffus. On est un lien diffus. Confus. On est un lien diffus. Confus. Des. On. Diffus. Confus. Léon que l'on fut. Des. On. Diffus. On est un lien diffus. Confus. On est un lien diffus. Confus. Des. On. Diffus. Confus. Léon que l'on fut. On est un lien diffus. Confus. On est un lien diffus. Confus. Des. On. Diffus. Confus. Léon que l'on fut. Il n'y a jamais de on. De on. Avec un S. Les. On. Nous. Léon. On. Nous. Les. On. On pense que. Les. On. Pense que non. Les. On. Avec un S. Non. Déjà si c'est nous, c'est pas on. On, c'est plus que nous. On est un pronom populaire. On est un pronom populaire. On est le pronom des manifs. On est le pronom des manifs. On veut ceci. On veut ceci. C'est moins chic que nous. C'est moins chic que nous. Mais nous peut être puissant aussi. Mais nous peut être puissant aussi. Nous, le pronom viande bleue, ferme et volontaire, qui signe, signante et refuse d'être à point. Ou saignante qui n'admet point d'être cuit. Ton de manif. Je ne deviendrai pas une semelle. Je refuse d'être une semelle. Nous ne deviendrons pas des semelles. Nous refusons d'être des semelles. On ne deviendra pas. On ne deviendra pas des semelles. On refuse d'être des semelles. Très belle proposition de Julie Coutureau. Alors voilà, c'était les troisième, deuxième, premier prix, une mention particulière. Alors, félicitations aux récipiendaires du concours. Je vous propose, à partir de maintenant, un enchaînement de projets sélectionnés parmi les projets examinés par le jury de 60 secondes radio, édition de 2022. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues sur le site La Croche-Oreille, ainsi que l'ensemble des propositions sur le site 60 secondes, 60secondesradio.com. Là aussi, il y aura la référence sur le site de La Croche-Oreille. Alors voilà, on entame un premier segment. Une vingtaine de propositions, tout aussi captivantes les unes que les autres. Alors, je lance ça. Cut-up. Ralentir, accélérer, rembobiner, marquer la bande, jouer plusieurs pistes à la fois, couper en avant et en arrière sur deux magnétophones. Sitôt que vous commencez à faire des expériences avec des ralentissements, des accélérations, des superpositions, etc., vous obtenez des mots nouveaux qui n'étaient pas sur les enregistrements initiaux. Il y a alors de nombreux moyens pour produire des mots et des voix sur la bande qui n'apparaissent pas par les procédés habituels d'enregistrement. Je te connaissais peu et je t'ai invité à prendre un bain chez moi. Dans le menu d'invitation, j'avais précisé pas de sexe, pas de drogue. En arrivant chez moi, tu m'as dit que tu n'aimais pas les règles, que ça te contrariait. Dans la salle de bain, j'ai allumé une bougie et j'ai tendu une bande velcro. J'ai commencé à me dévêtir. Et j'ai entendu tes vêtements qui tombaient un à un sur le sol. Je n'avais pas prévu que le bruit de tes vêtements sur le sol allait m'exciter. J'ai défait mon bandeau, je t'ai regardé nu et j'ai enfreint toutes les règles. Thank you. El qalb. El qalb. Yed. Cor. Heart. Heart. Yatta. Rude. Kriya. Cor. Lève. Cœur. Encan. Shin. Heart. Dil. Heart. Cardia. Coração. Cuore. Gunde. Cor. Kokolo. Coração. Certa. Yatta. Kalam. Heart. Certa. Gunde. Cardia. Heart. Kalam. Heart. Dil. Shin. Kalam. Rude. Certo. I don't want to participate. In your story, in your story any longer. Where you play the ruler, and I play the ruler. Where you play the ruler, and I play the ruled. Where you define who I am, and I stay confined. Where you in your self-centered concept of space, time. I don't want to participate in your story any longer. Where you. Play the ruler. Where you define who I am and I stay confined in your self-centered concept of space, time, space. Nivel de oxígeno 85,7. Profundidad 60 metros. How do you think I can sleep now? How do you think I can sleep now? While you, after every play I opened, lie sighing in another woman's fruit. It is the same round which you blindfoldedly redo. But luckily I stroked your eyes already willfully from mine. And when I write, it all seems painless, like a painless pen, but it is sharp, just as heavy as the stone you softened in my abdomen. Mass that proves again that men don't have respect for the dark they haven't been. The electronic beep is everywhere. Beep. Beep. Beep. Beep. Beep. Gregorian Greenwich time signal. Beep. Beep. Beep. Beep. Beep. Planetin alert. An eerie, intermittent croak. It sounded like a cricket. With a cold was picked up by radio receivers around the world. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Time. time is the delay of the thing that is arriving. Josephine Baker, her provocative, sensational performances inspired the world. I like being wild, doing wild things. Olivier Giraud. Those were the moments of the bananas. And who could buy clothes? So I chose bananas. And very often the directors would say, well, she has been successful, but we're afraid to bring her in front of the public again. With scandal, maybe she will not be accepted. In Paris, she became a famous symbol of the jazz age and represented a unique liberation for African Americans. Paris, Paris de mes amours, il y a bien à faire, on te revient toujours. Moi, je dirais que c'est une manière d'être présent à quelqu'un. Ouais. Parce que ça peut être complètement dans le silence. Se faire sous forme de présence. Oui, une manière d'être avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Parce que dans toute rencontre, moi je dis, il y a de l'écoute. Ou alors ça signifierait qu'on n'a pas du tout conscience de la présence de l'autre. Que je sois là ou pas là, ça serait pareil. We have done everything to prevent the outbreak of this fratricide war of two neighboring peoples. Again, blood will flow, and continues and continues and continues and continues and continues and continues and continues and continues and continues and continues to take a firm and determined struggle against them. To defend their welfare, to defend their welfare without sparing, without sparing, without sparing. We call upon all citizens of the independent Ukrainian People's Republic to stand relentlessly on guard for the freedom and rights won by our people, and to defend their fate with all their might from enemies of the independent Ukrainian Republic. We're all but dead. Everything is out of time. Overdue. Only 1 minute late. It is now past midnight. A minute ago, we had a chance. A chance to put everything right, but we failed. A minute ago, a loud sound without warning, completely unexpected. A minute ago, we were laughing, laughing in the face of this seemingly terminal event, all in the belief that it would not. A minute ago, everything was exactly as it was, and then it wasn't. Every single thing changed. Every minute, we were all late. Suddenly, everything, exactly the same time. Behind time. Delayed. Behind time. Slow. Behind time. Expired. Behind time. Lost. Behind time. 1 minute late. Emphatically too late. Vito Echo Tango Oscar Sierra India November Charlie Echo Romeo Echo Lima Bianchi Alpha Sierra Hilo Oscar Uniform Romeo Sierra Echo Lima Vito Echo Sierra Whiskey Hotel Yankee Whiskey Echo Alpha Romeo Echo Alpha Lima Whiskey Alpha Yankee Sierra Alpha Tango Whiskey Alpha Romeo Every week I make the participants draw a tree. It's a graphological test that reveals changes in their inner lives. Depending on how they draw the tree, it gives me clues to their psychological state of mind. Big and steady roots signal harmony, while many branches going in different directions is a clear sign of aggression. From the results, I can tell that violence is present deep down in their subconscious. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission consacrée ce soir aux artistes, artisans, professionnels, candidats, candidates au concours international 60 secondes radio, concours initié et propulsé par Boris Chassagne. Un concours qui a pour but de nous faire connaître, de diffuser de nouvelles écritures radiophoniques. Alors restez des nôtres, on poursuit ça après un bref battement promo. The world waited, curious, wondering, aware. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est La Croche-Oreille. Je vous propose ce soir l'écoute en continu de nombreux projets sonores présentés dans le cadre de la 8e édition du concours international 60 secondes radio, qui célébrait en 2022 ses 8 ans d'existence. Oui, certes, depuis 2015, c'est près de 1100, plus de 1000 réalisations radio en provenance d'une quarantaine de pays qui ont été proposés à ce concours international de création radio par des réalisateurs, réalisatrices, artistes et artisans s'exprimant dans près de 30 langues. Aux yeux de son initiateur et coordonnateur Boris Chassagne, 60 secondes radio est plus qu'un concours international de création radio. C'est aussi une plateforme de diffusion et de distribution d'œuvres radio aux quatre coins de la planète, dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Océanie, à travers le réseau de nombreuses radios. Alors, pour rappel, le concours 60 secondes radio invite chaque année les créateurs, les créatrices à soumettre des œuvres radiophoniques et sonores d'une durée maximale de 60 secondes. La singularité du projet, le traitement sonore, l'écriture radio, la valeur artistique et technique sont les critères qui ont guidé les membres du jury pour récompenser les créateurs en 2022, qui sont Julie Coutureau de France, Solène Christoviak, française également, Zach Colello du Canada et Maria Soledad Rebaudy, une Argentine. Et cela dit, j'enchaîne à l'instant avec une autre sélection de projets soumis en 2022 dans le cadre du concours. Chaque projet, je vous le rappelle, étant d'une durée de 60 secondes et de provenance diverse de partout dans le monde. Alors voilà, bonne écoute pour une deuxième vague de candidatures à ce concours. Salgraban. Tijos et Epicrater. L'exil est une espèce de longue insomnie. Houdoud, Jidar, Ard. Quand on décide de partir, c'est que l'on est déjà mort. C'est nous. Houdoud, Border, Wall, Jidar, Frontera, Territoire, Frontière, Mour, Territoire. On ne veut pas comprendre que nous sommes tous des migrants, des étrangers, les étrangers des autres peuples du monde. Les agrumes sont des fruits qui généralement remplissent bien leur fonction de fruits. Je trouve que c'est des fruits qui répondent aux attentes qu'on peut avoir des fruits. Dans la catégorie des agrumes, on retrouve les oranges, évidemment, les citrons, les limes, les pamplemousses. Pour moi, les pamplemousses, c'est des fruits qui me ramène à un souvenir précis. Mon père, quand j'étais jeune, épluchait le pamplemousse et retirait la peau aussi qui enveloppe chaque quartier de pulpe. J'arrive pas à décider si j'aime ce fruit-là à cause du souvenir ou si parce que j'aime vraiment ce fruit-là. Thank you. En mi núcleo familiar hubo matriarcado. A pesar de que existía mi abuelo, mi abuela era la que mandaba. Y ella tenía una cualidad, sabía reunir a toda la familia. Con los abuelos sembrando, levantando calabazas, levantando maíz, jugando entre los árboles, entre las milpas, haciendo las milpas de maíz, corriendo la roya. A mi mamá le encantaban las obras musicales. Yo le seguía la secundaria. Yo también, yo empecé yo sola. En el bosque, jugar escondidas. O brincar en las hojas. Ahorita, esta temporada, hasta hacíamos una poesía que yo escuché. Montones de hojas para brincar sobre las hojas. Eso es mi más bello recuerdo, brincar sobre las hojas. And I look at you and I'm like, Uncle, I'm running out of breath. And I said, why are you running out of breath, boy? How do you think your mother felt? You come from that breathing. And I said, when you get older, the last thing you'll be thinking to yourself, when is going to be my last breath? But in between all of that, you don't care about your breath. You've got to learn to get back in tune with you and your breath. You begin to understand about you, and it builds your self-esteem up. And they're like scratching their head. Good afternoon, everyone. We resume our transmission of LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, Republica Argentina, a station of the official service of Radio Difusión, dependent on the Subsecretariat of Communications, broadcasting on the frequencies 237 and 536 kHz. Muy buenas tardes. Revisa su transmisión de hoy, LRA 60. Radio Nacional Islas Malvinas, República Argentina, emisora del Servicio Oficial de Radiodifusión, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones, en las frecuencias de 536 y 2370 kHz. Thank you. Candles. Where are the four horsemen of the apocalypse? You fell over in surprise. Oh, listen. Yeah. The bells. Hilarious. What? That's so funny. No, you fed me the lie. Oh, there's a good, good door squeaking sound effect. Do the door squeak for me. Very good. You've got a future in drama. Hey! For you to laugh and think like, ha ha ha, she's so funny, maybe. Or like crushing the voice necessarily, not necessarily more than doing this j-j thing in the ear, which happens sometimes and sometimes it doesn't happen. But when it happens, I'm scared because she said it means that your tubes are drying out to be there. And then synopsis, it starts. This dissertation is gonna negotiate the negotiation, and then it's gonna foreground the critical abilities of feminine writing and artistic academic discourse, not reading, just knowing it by heart. I want one day to, not one day like now, to try to remember this whole performance that I knew, know by heart, by memory. I don't know why they call it by heart, because you know it by your mind. So when you're actually getting demented and you don't have your mind, or you have a certain mind so you cannot know things by heart, or you do, because Kiki, she was sitting on her chair and she was saying Anasieros and this and that, the poem of Kavafi, not the barbarians, you know, love it, but not that one, another one, and please don't come in the rune, and he opened the door and I was like, honey. when the fights between cowboys and Indians broke out. All I could see were them. Innocent, tumbling to the ground. For all the horses shot dead in Western movies. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir, composée d'œuvres présentées dans le cadre du concours annuel 60 secondes radio. L'ensemble des pièces sonores en candidature en 2022 sont accessibles en écoute libre sur le site 60secondesradio.com. Vous retrouverez les coordonnées sur le site de l'Accroche-Oreille sur le web. Vous trouverez ça facilement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Gaëtan Gosselin au microphone qui vous salue. Diré dos palabras sobre el Teatro Lírico Nacional, cuya creación ha sido una de las tantas ilusiones argentinas. De esta patriótica y legítima aspiración siempre se dijo, trilogía hacedora de es prematura. Los demás y ahora resulta que ya está. Aún aquellos de la ¿cuál habrá sido el hado adverso que ha podido malograr este propósito constructivo ministerio, pero no lo a pesar del notable esfuerzo realizado en 50 años a los por los compositores argentinos? Pero estarán siempre más cerca de la taumaturgia pero que como de el tiempo apremia y obras son amores y no buenos argumentos, citaré en apoyo de mi creencia optimista al respecto algunas de las 50 y tantas óperas argentinas estrenadas, la mayoría de ellas en el Teatro Colón de Buenos Aires. So because of COVID-19, the bar that I worked in was closed, but because I'm part of the collective that manages and organizes all of the events, all of the finances, every day I would wake up with 40, 50, sometimes even over 100 messages, mm-hmm. talking about all the stress, the new problem of the day. And I just kept waking up saying shit, shit, shit, shit, shit. Mm-hmm. Merde, merde, merde, merde, merde. À un certain moment, j'en avais marre, j'ai décidé d'intervenir. On a eu cette longue conversation, comment tu devrais commencer ta journée, en mode bonjour, good morning, ou bien en arabe, sbah al-khair. Sbah al-khair, sbah al-khair. Sbah al-khair. And I asked you if there was something that I can say that's not so cheesy. You asked me how do I say I woke up in Arabic, et là j'ai dit fucked. Fucked. A mí me gusta la vida. Me gusta vivir. Me gusta sentirme viva. A mí lo que me gusta es eso. Hoy he soñado que tenía otra vida, pero esa no es mi vida. Me gusta sentirme, me gusta caer y curarme, me gusta tocar, me gusta rozar, me gustas.